dans le domaine de la matière, des endroits privilégiés qui sont restreints à l'homme. L'homme, la femme, évidemment, ne peut pas pénétrer ces lieux physiquement avec son corps physique, c'est-à-dire qu'elle peut le faire, mais normalement, elle ne se rend jamais jusqu'au centre de ces lieux pour la simple raison qu'elle est malade, qu'elle est morte, ou bien simplement qu'elle quitte ces lieux en courant, les cheveux dressés sur la tête, tellement elle a peur. Pourquoi elle a peur comme ça? Elle a peur pour la simple raison que le lieu étant interdit, il est protégé par des gardiens. Et ces gardiens ont nécessairement comme fonction de garder le lieu, les cerbères. Gardien de sécurité? C'est ça. Sauf que c'est un petit peu plus efficace. Donc, certains gardiens de sécurité que l'on connaît. Ces lieux, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, il y a des lieux qui sont grandioses. Il y a des lieux qui se trouvent dans l'Himalaya, donc dans les plateaux himalayens. Il y a des correspondances avec d'autres lieux qui sont interdits, qui se trouvent en Amazonie, surtout sur le plateau du Mato Grosso. Il y a d'autres lieux de ce même genre que l'on peut retrouver dans les montagnes rocheuses canadiennes et américaines. Il y a certaines bribes de ces lieux, disons des tentacules, qui se retrouvent en Saskatchewan, au Québec, au Pôle Nord. Il y a d'autres connexions à ces lieux interdits qui se retrouvent dans la mer des Sargasses, connue surtout sous le nom du Triangle des Bermudes. Et dans la mer de Chine, il y a d'autres régions qui se retrouvent en Écosse. Et effectivement, il y a donc des lieux matériels qui sont interdits à l'homme. Quand tu parles des gardiens, on parle des yétis? C'est ça. Quand on s'approche d'un lieu interdit, quand on s'approche d'une entrée, d'une grande porte, eh bien, on est normalement accueilli par des impressions, c'est-à-dire des manipulations du type astral, des manipulations d'ordre psychologique, qui viennent s'imprimer sur l'enveloppe de l'âme de l'homme, donc sur le périsprit de l'homme, et cela vient l'impressionner. C'est-à-dire que l'être humain aura des frissons qui vont commencer à circuler au niveau vital et qu'il pourra percevoir finalement au niveau de certains méridiens. Il sentira des espèces de petites vibrations qui vont parcourir sa colonne vertébrale, entre autres son corps physique. Lentement, la conscience astrale, la conscience psychologique de l'humain commence à avoir des formes, à envisager des choses qui lui feraient peur. C'est-à-dire qu'il entre, lorsque le corps physique est présent dans un de ces lieux interdits, la psychologie, le corps astral, entre dans un sommeil éveillé qui lentement l'engloutit dans un cauchemar. Donc l'individu, même s'il est réveillé, finit par vivre un cauchemar qui est extrêmement exprimé par le corps physique. Donc, lorsque l'individu voudra fuir le cauchemar, c'est le corps physique qui fuira le lieu interdit. Est-ce que c'est réellement un cauchemar ou est-ce qu'il vit réellement ces choses-là? Dans les premières facettes de l'approche d'un lieu interdit, on vit un cauchemar. C'est une illusion, là. C'est pas une réalité, aller jusque-là. C'est ça. Ce n'est pas une réalité, il faut s'entendre. Ce n'est pas une réalité dans le plan de la matière physique, mais c'est une réalité totale du point de vue psychologique. Donc, l'individu peut, étant donné que l'âme s'exprime dans le corps physique, l'individu peut avoir une tachycardie qui peut jusqu'à entraîner même un infarctus, c'est-à-dire une fibrillation ventriculaire, donc un arrêt cardiaque. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas matérielles, mais ce ne sont pas des illusions. La personne ne les voit pas avec ses yeux physiques, mais elle les voit pareil. Mais si l'être humain est conscient de ça au moment où il accède à ces yeux-là, est-ce qu'il ne pourrait pas surmonter ça? Non. Vu que c'est psychologique ou... Non. Parce que c'est la psychologie qui doit surmonter. Alors, le plus grand piège d'une psychologie, c'est effectivement quelque chose de psychologique. Donc, l'individu qui est pris par ce cauchemar à l'approche d'un lieu interdit ne peut pas le surmonter. Par contre, il y a des êtres humains qui sont suffisamment énergisés, qui sont suffisamment initiés, qu'ils ne vivront pas ce genre de manipulation, d'impression faite par l'approche d'un lieu interdit. Donc, ils ne pourront pas cauchemarder. Les individus vont donc s'approcher un peu plus et ils vont commencer à avoir affaire à des contraintes matérielles plus sérieuses. Qui sont dépendants des territoires géographiques où on va retrouver ces lieux interdits. Si on parle du Mato Grosso, ce sera premièrement la flore, la faune. Alors, on a des arbres qui sont bourrés d'épines, des feuilles qui sont bourrées d'épines. On a des animaux qui sont de plus en plus dangereux. Il y a des attrapes nigauds et les nigauds tombent dans ces attrapes. Il y a les maladies, il y a les insectes, et si on fait référence à l'Himalaya, bien, il y aura les avalanches, il y aura la température. Si on fait référence à la Saskatchewan, eh bien là, il y aura encore une fois les insectes, il y aura des territoires qui seront extrêmement pénibles parce qu'ils seront marécageux. Et les rocheuses, c'est un peu la même chose. Si l'individu a la puissance physique et psychologique pour continuer à s'approcher d'un lieu interdit, eh bien là, ce sera dépendant encore une fois des territoires, ce sera des humains qui vont servir de protecteurs de ces lieux. Alors, si on fait référence au Mato Grosso, ce sera des Indiens réducteurs de tête. Il y en a encore aujourd'hui. Quand j'ai été en Amazonie, justement, il y avait un bonhomme qui voulait nous amener dans une région, rencontrer une tribu. Et plus loin dans la jungle, si on voulait y aller, il fallait que lui s'arrange pour avoir une escorte de l'armée péruvienne, parce qu'il y a encore des Indiens là qui sont extrêmement dangereux. Et l'Amazonie étant extrêmement grande, il y a une grande partie de cette forêt amazonienne qui n'est pas connue. Et la transamazonienne ne va pas partout. Alors, il y a comme protecteur des indigènes qui ne savent pas trop ce qu'ils font, mais comme toujours, ils font bien ce qu'ils font. Et si on va encore plus loin, bien là, normalement, on doit rencontrer l'abominable homme des neiges pour l'Himalaya, le Yeti, le Migou, le Sasquatch, canadien, américain. C'est-à-dire qu'on rencontre des êtres qui vivent dans ces portes, qui permettent d'accéder aux lieux interdits et qui, de temps en temps, vont à la surface. Et plus souvent qu'autrement, ce sont des mécanismes suffisamment puissants pour empêcher un humain conventionnel d'approcher un lieu interdit. Est-ce que l'abominable homme des neiges, par exemple, attaquerait un humain qui s'approcherait trop d'un lieu interdit? Normalement, il n'attaquera pas l'humain, sauf que l'abominable homme des neiges, disons, le Migou, est un peu plus violent que le Sasquatch canadien. Alors, il peut attaquer l'humain. Il irait jusque-là s'il fallait? Il irait jusque-là, pourquoi? Parce que c'est son territoire. Le Migou, le Sasquatch, l'abominable homme des neiges n'a absolument pas conscience de ce qu'il fait, mais c'est son territoire et il n'est pas question qu'un animal s'approche du territoire. Mais il fait en tant qu'animal, comme un chien protégerait son territoire ou un loup. Toutes les structures, vois-tu, si de toute façon, si ce serait un être conscient, un être intelligent ne peut pas tuer. Alors il essaierait de se missionner pour détourner l'individu. Tu ne tues pas quelqu'un simplement parce qu'il est quelque part où il n'a pas à être. Pas si tu as de la conscience. Alors, étant donné que ce sont des animaux qui vivent dans un territoire particulier, qui leur est cher, eh bien là, il n'y a plus aucun problème de tuer. Les chasseurs ou les aventuriers, si on veut, qui ont déjà rencontré ce genre d'animal-là, ou de je ne sais pas comment on appellerait ça, est-ce que c'est un animal ou un être humain? Ni un ni l'autre. C'est un animal. Okay. Celui qui rencontre... Comme l'humain est un animal. Celui qui rencontre, ceux qui en ont déjà rencontré par accident. C'était pas nécessairement des personnes qui tentaient de s'approcher d'un lieu interdit. S'ils en ont rencontré, est-ce que c'était qu'ils étaient près d'un lieu interdit ou est-ce que l'homme des neiges s'était éloigné de son territoire? De temps en temps, les hommes des neiges vont s'éloigner, donc les Sasquatch, entre autres, si on regarde par exemple ce qu'on connaît de ces Sasquatch au niveau canado-américain, peuvent s'éloigner de leur lieu. Mais bien souvent, on va les rencontrer parce qu'il y a de l'exploitation forestière qui se rapproche lentement d'une porte d'un lieu interdit. Et si on prend l'exemple d'un bonhomme qui est un peu connu, que peut-être certains ont déjà entendu parler, qui s'appelait Fafet, qui est allé justement en Amazonie, est allé étudier des choses, et puis qui l'a dit, il est justement disparu. C'était l'un des disparus les plus connus qu'on a eu. Eh bien, il a rencontré un Migou. Tu penses que ça... Et le Migou l'a digéré. Sa croisade s'est arrêtée là? Ah, sa croisade n'a pas été plus loin. Alors, il y a donc de ces lieux interdits qui sont... protégés. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà rendus par accident près de lieux interdits, d'après toi? Oui. Puis est-ce qu'ils ont vécu les étapes que tu as mentionnées d'abord? Oui. Ceux qui... Oh, il y en a qui ont eu même des cauchemars. Même s'ils n'allaient pas pour ça, là, si leur but... Ah, la majorité n'y vont pas pour ça. OK. C'est parce que l'humain n'a pas connaissance de ces lieux, donc l'humain se promène sur la planète, et puis à un moment donné, l'humain commence à avoir peur. L'humain se sent mal dans une certaine montagne. L'humain entend le vent, et il interprète le vent comme étant des ululements. Et l'humain commence à cauchemarder, et l'humain sacre son camp. Alors, il y en a un paquet qui sont approchés de lieux interdits qui, finalement... Ils n'ont jamais compris ce qui s'était passé, ni pourquoi, mais ils ont retourné de bord. Exact. Pourquoi ces lieux sont interdits? Bon, juste avant de parler de ce pourquoi, on pourrait aussi discuter des phénomènes du triangle de Bermude, des phénomènes, justement, des mécanicités qui font en sorte que ces lieux interdits ont des correspondances entre eux. Il y a un point commun qui est... Ben, le premier point commun, c'est que l'homme n'y a pas accès. Le deuxième point commun, c'est leur rôle. Et le troisième point commun, c'est ce qu'ils cachent. Bon, qui n'a pas accès, ça, c'est assez facile. Leur rôle, c'est tout le même rôle pour tous les lieux interdits? Oui. Sauf qu'on a des lieux interdits qui sont beaucoup plus disons, sataniques, qui sont beaucoup plus involutifs, beaucoup plus froids en vibration, des lieux qui peuvent désagréger un être humain assez facilement. On a des lieux qui sont beaucoup plus chauds, beaucoup trop chauds, beaucoup plus vibratoires, et l'être humain qui s'y approche va brûler. Maintenant, il ne brûle pas nécessairement par le feu, sauf que l'être humain devient complètement fou. Il a des contacts avec pas mal plus de dieux que jamais il n'aurait pu penser qu'il en existait. Alors, il y a de grands problèmes. Le rôle de ces lieux, c'est de contenir toute la trace évolutive de l'homme. Donc, le rôle de ces lieux interdits, ils sont interdits. Pourquoi? Parce que l'être humain ne doit pas y avoir accès, pour la simple raison que l'être humain ne peut pas y avoir accès. Donc, ils sont interdits à l'homme parce que lorsque l'homme s'approche de ces lieux, l'homme n'a pas la conscience psychologique, l'homme n'a pas la conscience supramentale suffisamment développée, l'homme n'a pas le corps physique, le système endocrinien neuronique suffisamment élaboré pour être capable de supporter ce qu'il pourrait voir, ce qu'il pourrait découvrir, ce qu'il pourrait connaître et ce qu'il pourrait fusionner dans un de ces lieux interdits. Les lieux sont interdits non pas par des lois, simplement par une mécanicité. Exactement comme te baigner dans une piscine d'acide sulfurique, c'est interdit. Pas par une pancarte, pas par une loi. Pour la simple raison que l'acide va te gruger. Alors, c'est interdit par l'acide, d'être baigné dans l'acide. Les lieux interdits sont interdits parce que l'homme n'est pas encore suffisamment évolué. L'homme n'est pas encore suffisamment solide pour pouvoir y avoir accès. Et lorsque l'homme sera suffisamment solide pour avoir accès aux lieux interdits, bien entendu, les lieux interdits cesseront d'exister. Sauf que les lieux interdits n'auront plus non plus de raison d'être. C'est-à-dire que lorsque l'homme sera suffisamment solide, cela voudra dire que l'homme aura exprimé, l'homme aura digéré tout ce qui se cache dans ces lieux interdits, qui est libéré régulièrement depuis plus de 4,5 milliards d'années. Alors, dans ces lieux interdits, il y a une espèce de bloc de glace qui fond lentement. C'est un parallèle, évidemment, ce n'est pas un bloc de glace. Qui fond lentement, et l'eau qui s'écoule de ce bloc de glace se répand un peu sur la Terre. Et lentement, la chaleur de la planète fait évaporer l'eau. Et l'eau évaporée couvre l'atmosphère planétaire. Et chaque être humain peut en respirer un peu l'odeur et la texture. Lentement, le bloc de glace fond. Et au fur et à mesure de sa fonte, il libère dans l'atmosphère humaine des connaissances, des savoirs. Il libère aussi des stimulations qui vont engendrer des manipulations dans la conscience de l'homme et qui vont obliger l'homme, l'humanité finalement, à accomplir des actes qui ne sont pas déterminés par lui, mais qui seront déterminés par, justement, ce bloc de glace en fonte. Et lorsque le bloc de glace sera totalement fondu, l'être humain aura totalement absorbé ce qui se trouve dans ce lieu interdit, et ce lieu interdit ne sera plus interdit, parce que l'être humain aura donc finalement accompli la tâche qui l'attend sur cette planète. Alors, un être humain qui... Bon, disons, on fait un autre parallèle. Dans ces lieux interdits, il y a un coffre-fort. Et dans le coffre-fort, il y a une cassette vidéo. Une cassette vidéo qui dure des milliards d'années. Et si quelqu'un pourrait la visionner, il pourrait voir tout le passé de l'humanité, son présent ainsi que tout son avenir. Il y a dans ce lieu interdit, c'est un peu faux ce que je viens de dire, disons que l'être humain, en le visionnant, ne pourrait connaître que l'avenir de l'homme. Il ne pourrait pas connaître le passé de l'homme. Le passé de l'homme imbibant déjà l'homme. Alors, l'être humain ne sait pas ce qu'il est. L'être humain ne sait pas ce qu'il fait. Mais tout ce qu'il est, tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il fait, tout ce qui est sa fonction, certains diront sa mission ou son rôle, est inclus dans ces blocs de glace qui fondent et qui dégagent au fur et à mesure de leur fonte, lentement, de la vapeur, qui est, je trouve un parallèle, qui s'étend à l'échelle de la planète, dans les sphères qui sont astrales plutôt que matérielles, mais disons de la vapeur qui s'étend à l'échelle de l'atmosphère planétaire. Et l'être humain le respire. Le respirant, il imprime dans ses propres cellules, il l'imprime dans son propre périsprit, il l'imprime à l'intérieur même de son âme, ce qui lui permet d'avoir accès, d'une façon planétaire, à un savoir ou, disons, à une connaissance de ce qu'il a à faire, qui est de plus en plus avancé, qui est de plus en plus enligné vers un avenir potentiel et qui permet à l'être humain d'avoir la possibilité, même s'il ne connaît pas l'avenir, de supporter par la perception inconsciente de ses vapeurs, de supporter l'idée qu'un avenir existe, même s'il ne connaît pas l'avenir. L'être humain peut de cette façon supporter la mort, parce qu'il connaît un avenir à la mort, alors que consciemment, il ne le sait pas. Tout ce qui est manipulé à l'échelle de la planète, tous les mouvements de masse, tous les mouvements des humanités, tous les mouvements des continents, je parle des continents humains, tous les mouvements des races, tous les mouvements des sectes religieuses, tous les mouvements des sectes scientifiques, tous les mouvements des gouvernements sont dictés par ces vapeurs. qui se dégagent et qui viennent simplement perturber la conscience de l'homme en stimulant la conscience de l'homme, comme présentement tout le marché boursier est justement stimulé et contrôlé par ces vapeurs qui se dégagent, ces blocs de glace qui sont répartis partout, sur tous les continents, partout où il y a de l'homme, ou près des endroits où vit l'homme, et qu'il se donc ça s'évapore lentement. Donc l'homme est complètement manipulé par les informations ou les stimulateurs qui sont dans ces lieux interdits. Oui, l'homme est manipulé par deux contingences. L'homme est manipulé premièrement par ces blocs de glace qui fondent dans ces lieux interdits, et l'homme est manipulé par tout ce que lui-même a créé à travers les échelons de à travers les échelons du monde de la mort, à travers les échelons du ciel, donc à travers les échelons du monde astral. Tout ce que l'être humain a expérimenté en tant qu'animal humain, en tant qu'humain, par la suite, est mémoriellement conservé aussi dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le monde astral, le monde de la mort, le ciel. Et cela aussi vient perturber totalement la conscience psychologique de l'homme. Donc, normalement, l'homme est manipulé par deux contingences, c'est-à-dire les forces astrales, les forces du monde de la mort, et les forces qui sont des forces d'intelligence, des dieux gelés, qui se révèlent à l'homme lentement, et qui sont préservés sur l'échelle de notre planète dans des régions que l'homme n'a pas accès. Comme l'homme semble évoluer plus rapidement, de façon exponentielle, est-ce que ça veut dire que ces informations-là sont relâchées de plus en plus rapidement à mesure que le temps avance? Est-ce qu'il y a une relation avec le temps et ses lieux? Bon, il y a une relation surtout avec l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que plus l'être humain évolue, plus sa vibration monte. Donc, plus la chaleur qui imbibe sa cérébralité, qui imbibe sa conscience. Plus l'énergie de l'homme augmente, on peut dire plus la chaleur augmente, mais ce n'est pas tout à fait de la chaleur. Et nécessairement, plus le contexte planétaire devient chaud, c'est vrai qu'il devient chaud, remarque bien, apocalyptiquement chaud, mais quand même. Et cela engendre donc une augmentation de la rapidité de fonte, donc on peut dire de libération de ces plaques. Est-ce que c'est le taux vibratoire qu'on peut... C'est le taux vibratoire de l'humanité. Maintenant, il faut bien faire attention, c'est que quand on parle d'évolution, bien souvent les gens pensent qu'un être évolué est quelqu'un qui aime. Un être évolué est quelqu'un qui sert, qui rend service. Mais un être évolué n'est pas un esclave. Un être évolué est quelqu'un de libre. Et donc, l'humanité actuelle est drôlement plus évoluée qu'elle n'a jamais été évoluée. Depuis qu'elle a commencé son cheminement d'évolution, ça va de soi. Alors, présentement, nous avons affaire à une humanité qui a une très, très haute évolution. Et cette évolution va tendre à engendrer dans la conscience de cette humanité un individualisme qui va obliger l'humain à de plus en plus avoir l'idée de se centrer dans sa propre intelligence. C'est-à-dire que de plus en plus, il y aura des phases. On va prochainement passer une crise d'adolescence de l'humanité où évidemment, l'individu voudra se libérer de la conscience collective. Il va nécessairement renier toute forme de religion organisée. Il va renier en même temps toute forme de loi. Il va renier tout ce qui, dans l'apparence, l'a manipulé et contrôlé pour arriver à se retrouver seul, totalement nu. Et là, il devra se prendre en main. Ceux qui vont survivre à ce genre d'initiation vont devenir des êtres humains totalement maîtres, contrôleurs à bord de leur corps physique et à bord de leur conscience. Ils seront centrés dans leur propre intelligence. Et c'est ceux-là qui réchaufferont finalement totalement ces lieux interdits de façon à ce que ces lieux soient totalement disparus. Comme l'évolution semble pas être égale à travers la planète, il me semble que des pays du tiers-monde, par rapport aux pays industrialisés, on pense pas à ce qu'on a évolué de la même façon. Je ne sais pas lequel raison en se pensant évoluer, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits physiques sur la planète où se libère moins rapidement l'information? Non. Aux Indes, l'énergie se libère plus rapidement. En Égypte, l'énergie se libère plus rapidement. L'endroit était placé à quelques centaines de mètres sous le Sphinx. Et en Amérique du Sud, ça se libère beaucoup plus rapidement. Sauf que ça se libère tellement rapidement qu'il n'y a plus rien maintenant là. C'est tout sorti. Voilà. Et c'est pourquoi ces peuples ont été de grands peuples. Maintenant que ces lieux interdits sont totalement asséchés, ces peuples ont vécu une décadence parce qu'ils n'étaient plus stimulés. Et lentement, sur d'autres contextes planétaires où l'homme a migré vers le nord par la suite, lentement ailleurs, les blocs ont commencé à se fondre eux-mêmes et ça l'a donc donné une énergie. Alors, si on regarde dans l'Antiquité, on regarde vers la ceinture équatoriale et l'hémisphère sud de notre planète, l'évolution qu'il y a eu là, il y a eu une grande évolution. Une évolution humaine qui a engendré par prolifération d'autres races à l'échelle de notre planète. Et les races nordiques sont dans les dernières races, ce sont les dernières régions qui ont été massivement colonisées. Le sud était massivement colonisé bien avant le nord. Et cela veut dire que les races qui ont été réchauffées par ces lieux interdits du sud, qui ont fondu antiquement l'île de Pâques, antiquement des parties de la Lémurie, on a vu l'Égypte, on a vu l'Inde aussi. Et ces êtres humains qui étaient réchauffés sont devenus, on fait partie d'une classe d'hommes, une classe de femmes extrêmement élitique, une haute classe. Et lorsque ces gens ont migré vers le nord, ils ont réchauffé les secteurs nord et ils ont commencé à respirer une vapeur. Ils ont donc continué à respirer une vapeur, mais qui était maintenant dégagée par de nouveaux lieux interdits. Alors que lentement s'asséchaient les lieux du sud, ce qui a fait en sorte que ceux qui ont monté vers le nord ont continué leur évolution prolifératique, et ceux qui étaient dans le sud ont commencé à vivre des décadences. Est-ce que dans notre région nord-américaine, on pense aux Rocheuses, entre autres, à la Saskatchewan, est-ce que les lieux interdits sont suffisamment remplis de cette énergie-là pour qu'on puisse continuer d'évoluer pendant un bout de temps? Oui, le sud des États-Unis approche de l'assèchement de son lieu, disons, est interdit, le sud-est, qui était le triangle des Mervudes, qui a remonté vers le Cap Hatteras parce que ça migre, et ça approche de l'assèchement. En Californie, on approche de l'assèchement des lieux interdits aussi. Dans les Rocheuses canadiennes, c'est à peine ébauché. Donc, on est loin de finir. On est loin aussi des Rocheuses canadiennes au Québec. Est-ce qu'on en a des lieux interdits? Oui, on en a au Québec aussi, dans une région qui est connue aussi sous le nom du Mont Chic-Choc. Alors là, avec, ça s'éparpille planétairement depuis à peu près 460 années. Alors donc, on en a encore pour un grand laps de temps. En URSS, ils ont aussi de ces lieux interdits. Et finalement, la partie nord planétaire, présentement, est en train de s'y abreuver. Par contre, l'Italie, c'est fini. L'Italie en a connu un immense qui les a énormément aidés, mais la France n'en a jamais connu. L'Italie, est-ce qu'on peut faire une relation avec le Vatican? Pour ce lieu interdit, le Vatican de Rome? Non. Non? Non. Est-ce que le Vatican est aussi un lieu interdit? Ou est-ce qu'il est un lieu oui. interdit? Oui. Le Vatican fait partie des lieux interdits qui sont attribuables à des... Le Vatican, c'est intéressant. Le Vatican est un lieu interdit qui est artificiel. C'est-à-dire, c'est un lieu interdit qui n'a pas été créé en même temps que le refroidissement de notre planète. C'est un lieu interdit qui a été créé par de l'intelligence qui provenait de l'extraterrestrialité de notre monde. C'est-à-dire que c'est un lieu interdit qui a été créé artificiellement par autre chose que l'homme et par autre chose que la matière même de notre planète. Par une religion? Non. Par ce qui... Le Vatican lui-même n'est pas un lieu interdit, mais on parle nécessairement de la bibliothèque du Vatican, dans laquelle a été conservé tout ce qui était antiquement conservé à Alexandrie, et dans lequel est conservé tout ce qui a été pillé lors des croisades, et dans lequel est conservé la majorité des écrits qui peuvent faire tort à la religion catholique, ou qui peuvent carrément démanteler tout ce qui est religieux sur le plan planétaire. Alors, même le pape n'a pas accès à certaines parties de la bibliothèque du Vatican, qui est hautement protégée. Protégée par qui? Protégée premièrement matériellement, c'est-à-dire que même les plus grands bombardements ne pourraient pas ébranler les murs, même les voûtes de cette bibliothèque, qui est souterraine. Elle a été déménagée deux fois depuis Vatican II. Et présentement, à moins d'une grande fouille astrale, et évidemment en éliminant certaines personnes du Vatican, personne ne sait où elle se trouve exactement. Oh, c'est sûr qu'on a accès à la première bibliothèque du Vatican dans laquelle on retrouve le livre des records Guinness. Bon, OK. On a accès aussi à une deuxième bibliothèque du Vatican qui est absolument scellée. Il y a un sceau et le pape y a accès. Mais ça, c'est simplement pour distraire. On n'a pas accès à la troisième bibliothèque du Vatican, celle dans laquelle s'est conservé justement des écrits qui sont apocryphes, en l'occurrence plusieurs évangiles, il n'y a pas juste quatre apôtres qui ont écrit des évangiles, et en l'occurrence tous les écrits qui concernaient les mémoires même de l'évolution de cette humanité, donc de ce monde, pendant sa phase de chute, pendant sa phase de refroidissement. Il y a eu des écrits, l'homme a écrit, et à un moment donné, l'homme a oublié d'écrire, l'homme a oublié l'écriture, l'homme a perdu la faculté de lire et d'écrire, et cela a été redécouvert beaucoup plus tard, soit à Sumer, soit en Égypte, par l'écriture cunéiforme ou encore hiéroglyphique. Et lentement, l'homme a recommencé à écrire, et lorsque l'homme a redécouvert des plaques d'or, des plaques d'oricales que des formes de papier. L'homme a redécouvert des écrits qu'il a voulu décoder, déchiffrer. Et l'homme a certains ésotérismes, certains théologiens, certains initiés de l'Antiquité ont réussi à traduire soit dans des dessins, qu'on connaît un peu sous le terme aussi du tarot, par exemple, du I Ching. Ils ont réussi à retraduire certaines choses, mais par la suite, les forces religieuses d'un égrégore astral qui devait, si possible, prendre le contrôle du monde, s'est arrangé pour récupérer tout ce genre de formes d'écrit et les conserver dans des endroits qui sont totalement interdits. On a même aussi une réplique bouddhique du Vatican à Lhasa, dans l'Himalaya. Donc, au Potala, qui est le temple central de Lhasa, capitale mondiale du bouddhisme, même si le Dalai Lama n'est pas souvent dans le Potala. Il y a aussi une bibliothèque qui a été déménagée un peu avant l'invasion chinoise de l'Himalaya, qui a été déménagée près d'un lieu interdit dans les montagnes même de l'Himalaya. Et dans cette région, dont on a donc une bibliothèque, on a encore des écrits. Les écrits, qu'est-ce que c'est ces écrits? Ce sont des écrits qui tentent de révéler. C'est la traduction humaine de ce qui se trouve dans les lieux interdits. Mais dans le lieu interdit, celui qui a accès n'a accès qu'à une vapeur qu'il respire, qui l'amène à avoir un contact plus vibrant, qui l'amène à le réchauffer si ça ne le brûle pas, donc ça ne le tue pas. Mais lorsque l'être humain a ce genre de contact, il va écrire. Certains peuvent écrire. Alors, on a des humains qui, à un moment donné, vont être plus sensibles à la vapeur dégagée par ces lieux interdits et ils vont écrire des livres. Alors, on aura, par exemple, Madame de Blavatsky, qui a été une des grandes charlatanes de l'évolution ésotérique de l'homme, mais quand même qui a écrit différents livres, La doctrine secrète, entre autres, qui ont été justement inspirés par des vapeurs. Et bien souvent, ces personnes vont parler de maîtres tibétains. Bon, c'est simplement des vapeurs qui proviennent de lieux interdits et l'être humain les personnifie. On a tout ce qui a été relié à Alice Bailey, qui a écrit un paquet de livres aussi. Celui qui a écrit La cosmogonie d'Urantia, c'est la même chose. Il avait accès à quelque chose, il l'a écrit. Alors, si on va fouiller dans la bibliothèque du Vatican, évidemment, la troisième bibliothèque, celle qui est interdite, eh bien, c'est comme si on pourrait avoir accès à plus d'un million de cosmogonies d'Urantia différentes, qui expliquent toutes, qui ne se contredisent pas trop les unes les autres et qui expliquent des choses qui viendraient pulvériser à peu près tout ce que l'être humain a comme conception d'humain. Est-ce que la bibliothèque du Tibet et la bibliothèque du Vatican sont protégées par la même force? Non. Les mêmes forces? Non. La bibliothèque du Tibet est protégée par des structures astrales, des structures, des entités qui ont été construites par des moines tibétains, par des lamas. Et plusieurs ont même réussi à se cristalliser, donc à se momifier physiquement, dans le but de rester dans le plan moronciel et dans le monde astral, avec une certaine forme de conscience qui leur permette de diriger les visiteurs qui vont par sommeil, en dormant, en voyage astral, conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire. Au niveau du Vatican, c'est toute une organisation vaticaniste qui permet la protection de ce lieu. Et normalement, on devra traverser ce que la chrétienté, le catholicisme a bâti. On devra traverser ce qu'on appelle l'enfer pour pouvoir pénétrer ce lieu. Donc, lorsque l'être humain, dans un voyage astral, par exemple, au niveau physique, n'y compte pas, il n'y a pas juste des ouvrages pour protéger les portes du Vatican. Il y a la Mother and Father Italian Association, c'est pas la mafia, qui sert aussi de grand protecteur biologique humain à ces structures du Vatican. Du point de vue astral, donc du point de vue d'un voyage astral, du point de vue d'un rêve, lorsque l'être humain s'approche de là, il va faire un cauchemar tellement cauchemardesque qu'il ne pourra pas y avoir accès, c'est-à-dire qu'il pénètre en enfer. Enfer créé par les premiers papes et les premiers chrétiens, qui étaient de très, très, très grands initiés, et qui ont créé une espèce de fumée astrale qui fait que lorsque l'humain s'approche de là, il n'y a pas accès. Et comme dans ces deux cas, on a créé une bibliothèque dans le monde de la mort, dans le monde astral, dans le ciel, une bibliothèque fictive qui fait que si lorsque tu traverses cette espèce d'enfer, cette barrière de protection astrale, lorsque les voyants, par exemple, arrivent à pénétrer, à traverser, eh bien, ils rentrent dans une bibliothèque et ils vont voir les livres, ils vont se rendre compte que finalement, il n'y a rien d'intéressant dans cette bibliothèque. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils viennent de pénétrer dans une bibliothèque créée dans le monde astral, spécialement pour les voyants, les médiums et ceux qui rêvent. Une bibliothèque qui n'est pas la vraie bibliothèque. Et les gens, découvrant la bibliothèque, ne la recherchent plus après. Et ils n'ont pas été dans la bonne. Ça, c'est le piège ultime. C'est une feinte. Oui. Nostradamus prévoit que, dans ses écrits, que la religion catholique, l'Italie, surtout la religion catholique, le Vatican serait démantelé dans les décennies qui viennent, est-ce que ça pourrait être parce que le lieu interdit est découvert? Non, parce que le lieu interdit sera totalement évaporé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien sur cette planète qui est stable. Tout est en évolution. Et l'évolution est une décadence et une restructuration par la suite. Et ça fonctionne comme cela dans la tête de l'homme, dans l'intelligence de l'homme, ainsi que dans la pensée de l'homme. C'est-à-dire que l'homme fonctionne avec un temps à rebours. Dans la matière, tout tend à s'éparpiller, tout tend à se désagréger, alors que dans la tête de l'homme, lorsque l'enfant vient au monde, il n'a que des particules. Et au fur et à mesure de son évolution, il accumule des choses. Donc, il fonctionne à l'inverse de la matière, c'est-à-dire que vers la fin de sa vie, il aura un cerveau qui aura accumulé par une planète Terre qui se concrétisait, qui se bâtissait. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une décadence planétaire qui peut être polluante, qui peut être aussi même militaire. Une désintégration lente du rythme planétaire parce qu'il y a à l'inverse récupération de l'énergie qui structurait la planète par la conscience de l'homme. Alors, dans cette voie, on peut donc comprendre que, étant donné que l'être humain est en construction, tout ce qui antiquement servait à le construire disparaît. Tout ce qui a un jour été yavique devient satanique. Tout ce qui un jour aidait devient nuisible, jusqu'au jour où il sera carrément anéanti. Toutes les religions, la religion catholique romaine, elle a eu un début. Et ce début a été construit par l'homme pour permettre à l'homme de monter un palier, comme toutes les religions d'ailleurs. Et à un moment donné, cette religion doit se désintégrer pour libérer l'homme d'elle-même. Une religion organisée, religion vient du mot religares, qui veut dire relier. C'est une technique qui devra permettre à l'être humain de se relier à lui-même, à Dieu. Sauf qu'une technique doit nécessairement un jour ne plus être utilisable. C'est-à-dire que si une technique t'amène la paix, un jour tu devras être capable de ne plus pratiquer la technique et de conserver la paix. Comme la méditation, par exemple. Même chose. Sinon, la paix appartient à la technique, elle ne t'appartient pas, donc la paix devient un leurre. Toutes les religions doivent enseigner des choses à l'homme, préserver l'homme, guider l'homme pendant un laps de temps de son évolution planétaire, pendant que sa conscience grandit chez lui. Alors il vient un moment donné où tu n'as plus besoin des commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont tes propres commandements. Alors tu n'as pas besoin d'un commandement qui dit, par exemple, tu ne tueras point. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tuer. C'est stupide de tuer. Tu ne peux pas tuer. Ça devient ridicule de tuer. Alors le commandement cesse d'exister. Parce que tu n'en as plus besoin. Tu ne peux pas, tu ne voleras point. Tu n'en as plus besoin. Pourquoi? Parce que tu ne voles pas. Donc, ce commandement se désintègre de lui-même parce que maintenant, l'être humain l'a totalement digéré, absorbé. L'homme devient lui-même le commandement. Il n'a plus besoin, donc, d'un commandement extérieur. Or, les religions, c'est le même phénomène, et l'Église catholique romaine, c'est la même chose. Elle a été bâtie dans le but de distraire les forces d'involution pour permettre à Lazare, qui est devenu par la suite le comte de Saint-Germain, qui est devenu par la suite un paquet d'autres personnages qui a dirigé l'évolution de cette planète, eh bien, pour distraire les forces d'involution se sont attaquées à l'Église catholique romaine, qui a su maintenir une puissance suffisamment d'envergure, même si elle a été de temps en temps totalement manipulée par ces forces d'involution, soit par l'acceptation de grandes divisions comme les jésuites, qui ont été les forces de colonisation de l'Église catholique ainsi que de la race blanche à l'échelle de la planète, et soit par les croisades, qui ont été des forces de pillage, qui ont justement permis l'investiture de différents lieux sur la planète Terre, dans le but de piller des lieux interdits, presque asséchés. Et lorsqu'ils nous ont été pillés, les religions complètes ont disparu. Alors l'Église catholique romaine, nécessairement, à un moment donné, aura aussi son extinction. Pourquoi? Parce qu'elle aura mené à terme. Si le disciple ne devient pas un jour supérieur au maître, le maître a manqué son coup. Si l'homme ne devient pas un jour supérieur à la religion, mais la religion a manqué son coup, et il y a beaucoup de religions qui ont manqué leur coup, qui ont fait de l'homme des esclaves. On a des religions qui enseignent encore que la femme n'a pas d'armes et qu'elle est la servante de l'homme, et que si elle sert bien l'homme, peut-être que le Dieu de cette religion lui permettra dans sa prochaine vie de se réincarner en homme. Et il y a juste le mâle qui peut s'en sortir. Et ça existe même à Montréal, et c'est une religion qui est relativement grandiose à l'échelle de la planète. Alors, il y a des religions qui font de l'homme pire que ce que l'homme peut être, qui rendent l'homme plus esclave que le nazisme même a rendu l'homme esclave. Et il y en a d'autres religions qui sont beaucoup plus positives et qui un jour, de toute façon, devront disparaître de façon à libérer totalement l'homme du maître. Si on revient au lieu interdit, on est parti du sud vers le nord. Tu disais aussi qu'il y en aurait au pôle nord. Est-ce que ça sous-entend qu'on va s'en aller encore, que l'humanité va se déplacer, que les prochains êtres vont évoluer plus, vont habiter encore plus le nord? Oui. Maintenant, ce n'est pas nécessaire d'aller vivre. De toute façon, l'homme, la structure atomique de l'homme ne lui permet pas de vivre à côté d'un lieu interdit. Quand je parle à côté, je parle à côté. Alors, présentement, si on regarde l'URSS et le Canada, ce sont les deux régions les plus proches des lieux interdits du Nord. Donc, la migration humaine va s'arrêter au Canada et en Union soviétique. Il n'y aura pas d'humains qui iront vivre dans le pôle Nord. Non. À part Superman, le Père Noël. Mais est-ce qu'on va être capable d'ici, on est prêt puis loin en même temps physiquement, est-ce qu'on est capable d'ici de puiser l'énergie qui est dans ces lieux interdits-là au pôle Nord? Quand les nôtres seront vides? L'énergie part d'un lieu et elle s'en va. Donc elle se répand à l'échelle de la planète, sauf que plus tu es proche du lieu, plus la densité de ce que tu auras à respirer est grande. Présentement au Québec, on a un lieu qui est extrêmement proche de nous, qui est dans une latitude assez nordique quand même, qui est le mont Tchouk dans le parc de la Gaspésie. Et on a une autre région qui est dans un parc, dans le parc des Laurentides, et on a une autre petite région dans le parc de la Vérendrye. Et par la suite, on a de grandes affinités énergétiques similaires à ces lieux interdits dans les territoires très nordiques du Québec. Et finalement, toute la partie du territoire du Nord-Ouest, c'est le Nord même, donc le pôle Nord. Lorsque ça se répand, il n'y a pas d'humain pour respirer quoi que ce soit. Donc, lorsque ces énergies arrivent, ça va en Union soviétique, ça vient au Canada. Ça peut être absorbé seulement par l'humain. C'est comme une radiation humaine. C'est une espèce d'énergie minale. Alors, c'est absorbé exclusivement par le règne minal, donc par l'humain. Et nous sommes dans les premières loges. Est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite ou est-ce que c'est les dernières énergies? Non, ça fait partie des derniers lieux interdits qui sont interdits à l'homme. Par la suite, les lieux interdits seront des lieux qui seront stellaires, c'est-à-dire que ce ne seront pas des lieux qui seront planétaires. Est-ce qu'on a l'homme à ce moment-là, ayant toute cette énergie-là, qui aura repris de la Terre, est-ce qu'il pourra aller chercher l'énergie stellaire? Oui, maintenant, le plus gros bloc de glace qui reste à fondre en a pour quelques milliers d'années à fondre. Je n'ai pas dit que j'aurais l'intention de mourir. Non, ça, après, effectivement, ce n'est pas nécessaire de mourir. Il y en aura d'autres ensuite. Il y en aura. Oui. Est-ce que pour que l'homme devienne conscient, en conscience supramentale, en contact supramental, que l'homme fusionne avec son double éthérique, est-ce qu'il faut attendre que toute cette énergie-là soit consommée sur la planète? Non. Pour la simple raison que cette énergie, elle n'est pas absorbable par un seul humain. Elle s'adresse à tous les humains. Qui, à un moment donné, s'adresse finalement à 144 853 êtres humains qui vont effectivement exister dans les quelques milliers d'années à venir. Et par le fait de la réincarnation pluralitaire fusionnelle, toutes les humanités seront incluses à travers ces 144 000 épinotes humains. En attendant que cela arrive, évidemment, il y a des êtres humains qui vont vivre une anégoïsation, qui vont vivre une purification de l'âme, donc qui vont vivre une perte de leur ego, qui sera proportionnel à l'absorption de cette énergie. Et l'absorption de cette énergie va propulser un canal du périsprit, qu'on appelle l'ajusteur de pensée, au-delà du monde de la mort. Et cela va permettre à l'être humain d'avoir accès à une source d'énergie encore plus grande que celle émise par les lieux interdits. Et c'est de l'énergie du monde supramental, donc ce qu'on appelait antiquement l'énergie de l'Esprit-Saint. Lorsque l'être humain a accès à cela, il crée un double éthérique, c'est-à-dire qu'on va revenir la semaine prochaine justement sur comment choisir sa mort avant qu'elle ne vous choisisse. Préparer justement la faculté qu'on aura de perdre le corps physique, mais sans gagner le monde de la mort, donc sans mourir, de façon à être capable de plus de structurer pendant cette vie-ci notre retour. Et évidemment, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, ils n'ont pas à venir à la conférence, c'est déjà votre choix, ça ne vaut pas la peine. Et ceux qui ne croient pas à la résurrection non plus, mais c'est le même phénomène. Alors, lorsque l'être humain en arrive à un réchauffement de sa conscience, il commence à créer un double éthérique et il n'a pas besoin d'attendre que les blocs soient fondus. Le bloc lui-même, disons que si dans ce bloc, il y a une partie pour toi, lorsque tu l'as absorbé, même si le reste du bloc n'est pas fondu pour le reste de l'humanité, et toi, tu as un double éthérique, tu fusionnes avec, et nécessairement, tu deviens un homme nouveau, tu deviens un surhomme, c'est-à-dire que tu deviens un dieu humain et non pas un homme-dieu. Présentement, il y a énormément d'animaux humains sur la planète. Il y a énormément d'humains sur la planète Il y a quelques êtres humains sur la planète et il y a quelques humains-dieux. Et à un moment donné, il y aura des dieux humains. La consonance divine prédominera. Dans ces lieux interdits, il y a quoi? Alors, on imagine une personne qui a la faculté d'avoir accès à ce bloc de glace et qui peut commencer à boire, à licher directement le suçon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a tout ce que l'homme doit faire, on l'a vu tout à l'heure. Il y a un bloc de glace non traduit, c'est-à-dire que ce n'est pas traduit. Un voyant qui a accès à ça, il ne va voir que le coffre-fort, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a dedans. Parce que c'est dans une forme énergétique absolument inapprochable par l'homme. Il sait par exemple que c'est de l'argent, mais il ne sait pas si c'est des dollars canadiens ou des dollars US ou c'est combien ça, il y en a. C'est ça, il ne connaît pas la devise, il ne connaît pas la quantité non plus. Alors, il y a là-dedans, résumé, tout ce que nous devons faire. C'est de la mémoire tellement densifiée, c'est du temps tellement densifié que ce n'est même pas exprimable par la matière. Alors, la matière étant tellement plus réchauffée que cette énergie contenue dans les lieux interdits, on peut dire qu'il n'y a même pas d'atome. L'atome n'a même pas encore, elle n'est même pas encore née. Dans cette densification, ce sont des particules subatomiques intimement liées, c'est un bloc total. Et nécessairement, c'est un bloc qui, on parle de bloc, ce n'est même pas matériel. Si ça serait matériel, ça traverserait la planète Terre à une vitesse folle, parce qu'il n'y a aucune matière sur cette planète suffisamment solide pour être capable de supporter ce poids. Nécessairement, ça la traverserait jusqu'au centre de la Terre, là où la gravité devient nulle, pour la simple raison que la gravité part du centre d'une sphère. Et la Terre est presque une sphère. On va laisser faire, c'est question d'ordre astrophysique. Et lorsque l'être humain aurait accès à cela, il aurait accès à l'instantané total de tout ce qui reste à vivre dans l'avenir de l'homme. Qu'est-ce que ça lui donnerait? Ça ne lui donnerait rien. Mais j'explique simplement qu'est-ce qui se retrouve dans ce lieu interdit. Et le savoir, ça peut permettre une expansion de conscience qui permet à l'être humain de comprendre ce que je veux dire de temps en temps lorsque je dis que tout ce que nous allons faire est déjà accompli. Et concentré dans cette substance qui n'est pas une substance? C'est ça. Et lentement, ça se libère. Ça devient matière vitale, ça devient matière astrale, matière mentale, et ça vient imbiber la conscience de l'homme. Et l'homme accomplit le scénario qui est déjà instruit dans ses roches, dans ses lieux interdits, dans ses blocs. Est-ce que c'est interdit parce qu'interdit ou parce qu'inaccessible aussi? C'est interdit parce qu'inaccessible. C'est tellement inaccessible qu'on n'a même pas besoin de le mettre interdit. C'est de toute façon, même si on voulait y aller, il n'y a pas de punition en réalité. Tu n'es pas puni parce que tu es allé, tu ne peux pas y aller. Ben, tu n'es pas puni parce que tu es allé. Tu es détruit parce que tu y es allé, mais ce n'est pas une punition. Mais si tu n'as pas pu te rendre, tu n'as pas pu te faire détruire. Si tu ne te rends pas, non. Il y en a qui ont peur, il y en a qui deviennent fous, il y en a qui sont malades, il y en a qui meurent, puis il y en a pas d'autres. Pour ces lieux interdits. Quand les lieux interdits sont vidés de leur énergie, de cette puissance-là, comme par exemple, si tu dis le triangle des Bermudes, tranquillement, ça se défait, est-ce que le triangle des Bermudes va garder ses propriétés qu'on lui connaît ou qu'on ne lui connaît pas? Le triangle des Bermudes ne va garder que des propriétés mémorielles de ce qu'il a été. C'est-à-dire que ça fait longtemps que le triangle des Bermudes est vide. Donc, il n'y a plus de bateaux qui disparaissent, il n'y a plus d'avions non plus. Ah, bien ça, les bateaux qui disparaissaient, c'était dans les derniers soubresauts du triangle des Bermudes. Qu'est-ce qui arrivait lorsque les bateaux ou les avions traversaient ces régions? Eh bien, à un moment donné, ils pouvaient être englobés par une vapeur, c'est-à-dire que les individus qui est la matière même du bateau, prenons l'exemple d'un navire, vibraient tellement à cette vapeur temporelle, cette mémoire même de l'avenir, qu'ils vivaient l'avenir. De notre point de vue, ils disparaissaient. Et il se ramassait dans un autre temps. C'est pourquoi il y a aussi des personnages qui sont revenus du triangle des Bermudes ou du triangle du Japon, du triangle de la mer de Chine ou de d'autres triangles. Il y en a qui sont revenus, sauf qu'ils étaient soit fous ou folles. Ou considérés comme fous. Et c'est ce que je veux dire, ou considérés comme fous parce qu'ils parlent soit du passé, soit de l'avenir. Ils disent qu'ils ont, à un moment donné, bon, un avion se promène et puis à un moment donné, il y a une espèce de vapeur trop dense. C'est une espèce de roue, hein? De ce lieu interdit. Un trou. C'est ça. Et puis, il y a une vapeur qui entoure l'avion. Et puis, à un moment donné, ben, lorsque ça se dégage, ça disparaît, eh bien, il y a l'océan. Et peut-être qu'il n'y a même pas l'Amérique, parce que la dérive des continents n'est peut-être même pas rendue là. Ça, c'est dans le passé. Alors, il n'y a pas d'aéroport, évidemment. Il y a des grands palmiers puis des grandes bébites qui font des gros bruits, style peut-être Tyrannosaurus Rex, ce pteranodon qui essaie de concurrencer ton petit avion. Et puis, les individus n'ont pas la cérébralité, n'ont pas le cerveau, ils n'ont pas l'âme constituée pour supporter un tel choc. Et nécessairement, étant donné que les avions et les bateaux, enfin les avions, disons, fonctionnent au kérosène, eh bien, quand il n'y en a plus, ça s'écrase. Bon. Alors, ils ne reviennent pas. Mais ça s'écrase dans le passé ou dans le futur. C'est pour ça qu'on D'autres sont apparus, justement, dans le futur. Et ils ont vécu des chocs. On a des individus, par exemple, qui disparaissent en l'an 1912. Et qui, à un moment donné, on retrouve l'épave de leur bateau, on retrouve certaines choses 5, 6, 15, 20, même 50 ans plus tard. Mais en réalité, eux sont disparus et il y a eu une tempête, leur bateau s'est échoué sur une roche, ils sont devenus complètement fous. La mer des Sargasses, là aussi, un truc intéressant, c'est qu'une partie de sa région est une partie encalminante. Alors, lorsqu'on est à voile, lorsqu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues, pas de courant, on reste là assez longtemps pour mourir de faim. Et lentement, la structure même des matériaux qui constituaient les bateaux n'était pas suffisamment solide. Et puis, 50 ans plus tard, on trouve des vestiges. Dans la réalité des faits, les individus sont disparus en 1912, sont apparus immédiatement en 1900, par exemple, 50 ou en 1962, et morts. Ils n'ont pas survécu. Le corps physique non plus. Le système endocrinien ne l'a pas pris. Alors, pour eux, ils ont vécu l'instantané, mais nous, ça nous a fallu le 50 ans pour aller les redécouvrir. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on chemine dans le temps pour arriver jusqu'à eux. Alors, le triangle des Bermudes n'a à peu près plus cette propriété pour la simple raison que maintenant, même les derniers vestiges de mémoire de ce qu'il a été en termes d'agglomérat, de structure temporelle est maintenant presque évaporé. Et il a migré en plus vers le Cap Hatteras, donc il y a eu lentement des problèmes dans cette région, moins que dans le triangle des Bermudes. Et lentement, ça s'estompe. Comment ça peut migrer? Comment ça peut se déplacer, vu que c'est pas matériel, que c'est pas... Mais voilà, c'est justement parce que c'est pas matériel que ça migre, mais ça migre assujetti aux forces telluriques qui migrent avant... Les forces telluriques migrent attirant derrière elles des continents, ce qui engendre une migration continentale qui est extrêmement longue, évidemment, qui prend des milliards d'années pour arriver à être sensiblement perçu. Ils ont des millions pour être sensiblement perçu et des milliards pour être très, très, très perçu dans le genre que nous connaissons aujourd'hui. Et ces structures-là même sont attachées, c'est-à-dire qu'elles sont entraînées par la migration des forces telluriques de notre planète qui change. De toute façon, celle la plus connue, c'est la migration du pôle magnétique. Lorsqu'on a une carte topographique, eh bien, il y a une déclinaison. Et on sait qu'il y a une variante, alors on doit la calculer, c'est-à-dire que le nord magnétique de la carte, par exemple, change. Donc, présentement, si tu as une boussole, eh bien, le nord magnétique de la carte en 1972 était à tel degré. Présentement, en 88, il est plus vers l'ouest, donc au bord. Alors, il y a déjà une migration du nord magnétique, il y a une migration des continents, et il y a entre les deux, il y a la migration de ces phénomènes. Qui serait la première migration qui attire les autres? La migration magnétique attire la migration de ces lieux interdits qui, par la suite, donc entraînera une migration des continents. C'est pourquoi cette migration des lieux interdits se fait plus rapidement que la migration des continents, mais quand même suffisamment lente dans le temps, parce qu'elle n'est pas tellement sensible. Est-ce que le fait que les lieux interdits qui sont dans les Rocheuses, au Québec, dans le pôle Nord, soient plus vers le Nord, est-ce que les phénomènes qui se passaient dans le triangle des Bermudes vont se passer dans les années à venir? Au pôle Nord ou... Non, le triangle, ça veut dire que ça va se passer dans les années à venir, non, dans les millénaires à venir, oui. Le triangle des Bermudes n'a jamais été un problème pour l'humain. Le triangle des Bermudes a permis la création de races extraordinaires, la race Ramahal, des races, disons, différentes races atlantéennes. Il a permis la gestion aussi de certaines races qui ont découlé par la suite au niveau des continents européens. Et lentement, ce bloc s'est estompé. S'estompant, les races qui étaient là, les dernières races atlantéennes ont perdu la tête. Noé, d'ailleurs, était un Atlante qui vivait dans une partie. Les îles Galapagos sont des vestiges de son laboratoire génétique. Noé était un bonhomme qui tripotait la génétique. Et lorsqu'il a perçu que toute l'humidité atmosphérique était pour s'écraser sur le plan planétaire, il a bâti deux immenses boîtes de bois, deux immenses arches. Et il a mis deux de chaque de son laboratoire dans son arche. Et puis, il y en a une qui s'est ramassée en Turquie et l'autre sur les terres de feu. Lorsque ce bloc s'est estompé, eh bien, il est resté simplement des effluves qui s'échappaient encore. et qui ont permis la stimulation des races, des géants rouges, les cyclopes entre autres, puis qui ont donné la guerre, qui ont fait la guerre avec les races américaines naissantes et les races lémuriennes. Alors, on a même des vestiges au niveau de l'île de Pâques de ces géants qui ont été adorés par des dieux, par les Pasquins. Et par la suite, il y a Platon, Homère qui en ont parlé parce que des marins en ont rencontré dans la lointaine Atlantique. Et lentement, ben ça s'est tout effacé. Les dernières effluves que ça donnait, ça n'était plus assez puissant pour stimuler l'humain. Par contre, ça devenait une espèce de gouffre, une porte temporelle. Comme on va retrouver une toute petite aiguille de cette porte dans le au Machu Picchu. Bon, près de la porte du soleil. Et on en trouve des petites aiguilles un peu partout comme ça. Alors, le triangle des Bermudes est devenu une problématique très, très, très bénigne à l'échelle de l'évolution humanitaire, seulement dans les derniers temps de l'expression de ces effluves. Alors, si on regarde le mont Tchic-Tchac, qui a déjà causé l'écrasement de certains avions et dont la région a été interdite à la navigation aérienne pendant un grand, grand laps de temps, et d'ailleurs, même les citoyens ne pouvaient pas y aller parce qu'il y avait des exercices militaires américains et canadiens dans la région. Et présentement, on a réglé le problème en faisant un parc national et il y a du caribou qui vit là et puis il y a des parties de l'année où c'est totalement interdit. Et cette région, si on étudie une carte du Québec, on se rend compte que les Amérindiens avaient donné des noms très, très, très apocalyptiques à cette région. Et si on regarde maintenant les noms français avec la rivière du Diable, les chutes du Diable, la rivière de l'incertitude, et etc., etc., etc., etc., et on s'amuse. Alors, cette région-là, dans quelques milliers d'années, pourra peut-être faire en sorte que les avions s'écraseront, mais l'homme ne voyagera plus en avion à cette époque. Donc, c'est pas dangereux. Est-ce que ceux qui habitent près physiquement de ces régions-là, comme en Gaspésie, par exemple, vont évoluer plus rapidement que ceux qui habitent plus loin physiquement? Ou est-ce que, quand on parle de distance, on doit parler de milliers de milles avant qu'il y ait une différence sur la concentration de la densité? Non, on ne parle pas de milliers de milles. Par contre, ça dépend des courants telluriques. Ça dépend aussi de la direction que vont prendre ces énergies lorsqu'elles vont être émises à l'échelle de la planète. Premièrement, il y a une rotation de la planète Terre qui, de toute façon, influence. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve à l'ouest d'un lieu interdit a plus de possibilités de récupérer les effluves. À cause de la rotation de la Terre. Exactement, à cause de la rotation de la planète Terre. Donc, la planète Terre tourne à une vitesse relativement intéressante, 35 fois plus vite qu'une balle de 35 tirée vers une cible. Alors, ça tourne. C'est pour ça qu'on est un peu fou, tout le monde. Bon. Alors, la Terre tourne, et en tournant, elle laisse loin derrière elle l'atmosphère planétaire, ce qui engendre un vent qui vient vers nous. Les montagnes, la chaleur vont finir de perturber ces choses-là. Et en tournant, elle laisse aussi derrière ses effluves, qui sont un petit peu plus denses, qui vont suivre la masse gravitationnelle de notre planète, mais avec un décalage. Ce qui fait que si on regarde, par exemple, la péninsule gaspésienne, ce sont eux, ils n'ont presque pas accès aux effluves du mont Tchic-Tchac, tandis que si on descend vers Québec, vers Montréal, vers nous autres, eh bien, il y a plus d'accès à ces effluves. Donc le pire, finalement, c'est à peu près de vivre directement à l'est du lieu interdit. C'est à peu près là que tu vas être la dernière place qui va en être imprégnée. Oui. Mais le pire, il faut s'entendre, parce que si tu as un corps physique qui n'est même pas capable d'absorber des effluves d'une façon intéressante, parce que tu sois carrément sur le bon côté ou l'autre bord, tu n'en absorberas pas bien plus non plus. Il faut que tu sois un peu une éponge. Oui, si tu ne peux pas digérer, par exemple, du potassium, même si tu manges énormément de bananes, ben, le potassium, tu ne le digéreras pas plus. Qu'est-ce qui fait que tu deviens... que tu peux capter ces énergies-là? C'est la génétique de l'homme qui va déterminer cela et ce qui va avoir engendré son âme, donc les personnalités réincarnationnelles qui vont créer l'âme de l'individu. Donc, qu'est-ce qui fait que l'individu va avoir la capacité d'absorber un peu plus ou un peu moins d'effluves? Ça va simplement être ce qu'on pourrait dire sa conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience chez l'homme? C'est sa faculté de savoir une chose sans l'avoir expérimentée. C'est la conscience de l'homme. Alors, lorsque tu sais, par exemple, que telle chose est mal, parce que tu t'es rendu compte, après l'avoir fait, que c'était mal, c'est de l'expérience, de la sagesse. C'est pas de la conscience. T'as appris par essai, alors? Oui, lorsque tu le sais avant, de la conscience. Ce n'est pas humain, c'est divin. L'homme est un être expérientiel, doit expérimenter. Alors, donc, si on est présentement dans la région de Montréal, eh bien, c'est une région intéressante. Il y a de la pollution, il y a aussi quelques effluves qui nous parviennent... Quand on parle de la région nord de Montréal, on dit à l'occasion que ce serait mieux le nord de Montréal. Pour quelle raison? Est-ce que ça a un rapport avec les lieux interdits? Oui, c'est simple. C'est que si on regarde la latitude du mont Chic-Choc, bien évidemment, si on fait un peu une ligne, les effluves passent un peu au nord de Montréal, premièrement. Deuxièmement, l'énergie tellurique dégagée par le bouclier canadien, et Montréal n'est pas sur le bouclier canadien, est extrêmement importante du point de vue de l'homme. C'est-à-dire que sa structure des aliments et sa structure un corps physique qui est beaucoup plus résistant au changement. Donc, ça engendre une race humaine beaucoup plus solide. Et c'est pourquoi le bouclier canadien, entre autres, ce n'est pas seulement le Québec ésotérique, c'est-à-dire la partie nord du Québec, mais le bouclier canadien lui-même au complet, est la région qui a toujours été prédestinée dans les changements radicaux à travers les humanités. C'est-à-dire qu'il y a de cela plusieurs milliards d'années, lorsque les premières prémices d'intelligence animale ont apparu sur la planète planétaire, ils sont apparus sur la première Terre de surface qui a été le bouclier canadien, qui ne se trouvait pas où il se trouve aujourd'hui. Il se trouvait beaucoup plus au sud, ça l'a migré. Mais c'est la première Terre de surface. À chaque fin de cycle majeur, il y a une migration massive de ce qui est de plus évolué. Mais encore une fois, l'être humain pense que ce qui est évolué, c'est ça paraît dans la béatitude, ça paraît dans la sérénité. Non, c'est la génétique qui est importante dans l'évolution de l'homme. Les meilleures génétiques migraient vers le bouclier canadien, et il y a eu donc lentement un hyperboré qui a été créé. Et dans l'hyperboré, il y a eu un paquet de lieux interdits, et ça s'est appelé Terre verte longtemps, Greenland, et ça a été changé il y a une trentaine d'années par Groenland, qui est le dernier vestige de cet hyperboré, qu'Adolf Hitler d'ailleurs voulait absolument conquérir. Il y a eu par la suite la Lémurie, et lorsque la Lémurie s'est enfoncée, parce qu'elle s'est effritée sur son propre poids, parce que la Terre se densifiait, elle s'est effritée sur son propre poids, les plus évolués ont encore migré vers le bouclier canadien, c'est-à-dire vers, en l'occurrence, le Québec, qui est au 9-10e sur le bouclier canadien. Et par la suite, il y a eu une prolifération vers le sud, il y a eu la conquête de continents neufs, l'Atlantide entre autres, et encore une fois, il y a une migration qui s'est faite vers le nord lorsque l'Atlantide est devenue un peu fofolle. Présentement, c'est la race indo-européenne qui couvre l'échelle de notre planète Terre, la race qu'on appelle blanche neuronique. Ce n'est pas une blanche cutanée, c'est blanc neuronique. Et cette race a aussi maintenant une tendance, vers la fin d'un cycle, à migrer vers le nord. C'est pourquoi, nécessairement, le Québec reçoit encore énormément de migrations de races, parce qu'il y a énormément de Québécois qui sont nés dans d'autres pays, qui ont d'autres couleurs de peau, qui montent vers le nord. Ils veulent revenir, autrement dit. Ils viennent simplement là où la sécurité les attend. Bon. Et par la suite, évidemment, il y a le réveil de ces lieux interdits, c'est-à-dire que l'être humain, présentement, a la faculté d'absorber ces blocs de glace. L'être humain est suffisamment évolué dans la partie nord planétaire pour commencer à entraîner une réaction d'énergie sur ces blocs de glace, sur ces lieux interdits qui, jusqu'à date, ne fumaient pas. Et présentement, on est en train de les fondre. Donc, nécessairement, l'évolution recontinue vers le nord. Quand Hitler voulait prendre possession du Groenland, c'était parce qu'il était conscient que c'était un lieu interdit? Il voulait prendre possession du Groenland, il voulait prendre possession de l'Hyperborée, et il voulait surtout conquérir le Québec. Pourquoi? Ben justement parce qu'il y a des lieux interdits qui étaient à peine en train de se réchauffer, parce qu'on doit savoir que la guerre d'Adolf Hitler était une guerre pour sauver l'humanité, même si, évidemment, il le faisait d'une façon hyper satanique, hyper luciférienne. Ce qu'il voulait, c'était simplement permettre de l'extermination des races faibles, conserver qu'une race forte, la race aryenne, mais qui était la première race indo-européenne, mais ce n'est pas la race aryenne qui devait se maintenir, mais disons que lui, ne comprenant pas tous les principes, et n'obligeant qu'une race parfaite sur le plan planétaire, il permettait à tous les peuples qui l'auraient exterminé de se réincarner que dans des corps physiques attribuables à une race forte. Donc, il donnait un coup de pouce extraordinaire à l'évolution humanitaire, et ça a toujours été d'ailleurs la problématique des forces luciferiennes, celle de vouloir aider l'humanité plus vite que ce qu'elle peut faire. Et Adolf Hitler était d'ailleurs un possédé luciférien, tandis que certains généraux étaient des possédés sataniens. Alors, il voulait prendre le Québec parce que le Québec est une terre privilégiée. Le bouclier canadien sera la terre privilégiée dans les 30 prochaines années. Et nécessairement, Adolf Hitler le savait. Est-ce qu'on ne risque pas, à cause de ça, de se faire assaillir par d'autres forces? Mais on ne risque pas, parce que ce n'est pas un risque, ça va arriver. Donc, on risque. Ça va arriver. On va se faire envahir par des immigrants? On va se faire envahir par des Québécois. Mais qu'on appelle des immigrants parce qu'on... Oui, qu'on appelle des immigrants parce qu'on ne comprend pas tout encore. OK. Mais on se plaint, ils rentrent tout au Québec puis ils s'en vont ailleurs. C'est évident, ils sont attirés par la terre promise. Alors, ils rentrent au Québec. Comme ils n'ont pas d'affaires ici, ils s'en vont ailleurs. Puis les quelques-uns qui ont affaires ici, ils restent ici. Mais que tu es tout perdu qui reste. Est-ce que c'est parce qu'il y a des Québécois qui se sont réincarnés dans des individus? Non, absolument pas. En Afrique ou ailleurs? Non, absolument pas. C'est parce que la meilleure génétique de toutes les races se dirige vers le Québec. Préparatoirement à cela, les États-Unis d'Amérique ont été le foyer qui était la première place de filtration. La porte d'entrée. La porte d'entrée. Toutes les races sont les bienvenues. Et ça a créé la nation la plus puissante de l'histoire. Des États-Unis a été réellement engendré le Canada. Et le système anglais a permis au système québécois de se renforcer. Et présentement, ben là, les États-Unis se sont dit, bon, maintenant on en a assez. Tous les immigrants ont dit, plus d'immigrants. Parce que les États-Unis, c'est une gang d'immigrants. Hein? Bon. Les immigrants ont décidé, maintenant, là, plus d'immigrants. Bon. Alors, ils émigrent maintenant vers le Canada. En l'occurrence, le Québec. Il y a des lieux interdits au Québec et il y a des individus qui sentent que c'est l'heure maintenant que la glace va fondre. La dénatalisation au Québec par rapport à cette immigration-là, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est pour ça que tu parles des enfants? Oui, j'en ai parlé souvent, c'est que, donc très brièvement, c'est que les jeunes veulent vivre leur vie avant d'avoir des enfants. Simplement que l'intelligence inconsciemment leur dicte de vivre de l'expérience, de se transformer, de changer, de cellulariser leur évolution avant d'avoir des enfants pour créer des enfants plus solides. Et pendant ce temps-là, ça permet aussi de donner un trou au niveau québécois qui nous permet inconsciemment d'accepter plus facilement l'immigration. Mais ça va changer, évidemment. Alors, on fait une pause. Vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quoi. On les écrit sur papier puis on rappelle qu'après la pause.